Salam, cet audio va viser, enfin va plutôt concerner la fraction féminine de la population musulmane. On ne compte même plus le nombre d'ouvrages d'antan comme contemporains, le nombre de rappels, de chouïours, de prédicateurs, et ainsi de suite sur le sujet. Mais bon, comme on dit, un rappel de plus n'a jamais été funeste. N'est pas quelque chose de négligeable et de contestable. Je vais, enfin cet audio-là, je vais un peu la parler, enfin je vais un peu en parler, un peu avec mes mots, un peu avec à ma manière, un peu avec ce que j'ai analysé de mon vécu et ce que le Coran et la Sunna, parce que c'est nos seules sources de législation, ce sont nos seuls canalisateurs qui sont le Coran et la Sunna, la voix d'Allah et les faits et paroles du saint prophète, du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est plus dans une optique, on va dire, un peu sociologique, etc., de la fille musulmane, pas seulement maghrébine, musulmane, vivant en Occident, particulièrement en Belgique, en France. Je peux pas me prononcer pour les autres pays, hein, Suède ou autre, j'y suis jamais allé. Le truc, c'est quoi? C'est que en Europe, particulièrement, et je me répète, en Belgique et en France, il y a l'atmosphère suivante. C'est que la plupart des filles musulmanes, donc des héritières de grands hommes musulmans, de grandes femmes musulmanes, hein, leurs descendants qui sont nés en Occident, la plupart ont une ligne directive qui est très restreinte, qui est très limitée, qui est très suffisante, à savoir l'esthétisme. L'esthétisme, elle base tout sur l'esthétisme. Leur centre d'intérêt sont très limités, hein. C'est la musique, le R&B, les chichas, etc., etc. Attention, hein, je répète, je suis pas en train de faire un jugement pour juger et ne pas en train de dire que il y a que les femmes qui sont là-dedans. Mais comme cet audio se focalise sur les femmes, donc voilà, c'est ce qui est un peu normal, ce qui est dans l'ordre de la logique que je ne parle que d'elles. Donc la plupart sont, on va dire, sont cloîtrées, sont séquestrés, hein, dans ce carcan mental, à savoir mes centres d'intérêt, c'est les dernières marques à la mode, c'est les derniers chanteurs, c'est courir derrière tel acteur ou telle personnalité entre guillemets pour avoir ma petite photo sur iPhone et la mettre sur Facebook, pour frimer devant mes copines entre guillemets, parce que bon, l'amitié féminine, on sait très bien ce qu'il y a, enfin voilà, la rivalité féminine, etc., l'hypocrisie, la fourberie qui y règne, enfin bref. Donc la plupart sont ancrés dans ce carcan-là. Et donc le modeste conseil que j'ai à leur donner. D'abord, ne nous voilons pas la face. Faut pas se voiler la face. Nous, les hommes, sommes quelque part un peu, hein, et je pèse mes mots. Enfin, je vais dire que je les allège plutôt. Nous sommes prédateurs. Nous avons ça en nous. Et l'islam, avec l'enseignement qu'elle comporte, nous donne des alternatives, des directives à suivre pour canaliser cet instinct prédateur qui est en nous. Donc il y a certains qui vont être plus faibles, certains qui vont être plus forts, certains qui vont contrôler par moment, certains qui vont relâcher, certains qui vont contrôler à long terme, d'autres qui vont relâcher à long terme. Qu'Allah nous en préserve. Donc moi en premier, tous les hommes, nous sommes tous des prédateurs. Celui qui dirait qu'il n'est pas attiré par la chair féminine, et soit un menteur, soit un impuissant, ou, et il faut donner le bon soupçon, quelqu'un de fort, un ascète, du moins s'il reste, il reste en Europe, c'est un ascète dans l'ordre de l'évasion mentale. Mais c'est un ascète, mashallah, et on est content pour lui. Mais sinon, si on retire cette catégorie-là, c'est soit un menteur, soit un impuissant. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, on ne se voile pas la face. On le dit clairement. À partir du moment où la femme est consciente de ça, elle est consciente que l'homme est un prédateur. Pourquoi beaucoup d'entre elles leur offrent et offrent à l'humanité, excusez-moi du terme, mais c'est le cas, queue, fesses et nichons. La plupart, je ne dis pas toutes, la plupart des femmes issues de familles musulmanes, Hein, ce que certains appellent péjorativement les beurettes, les khorotiettes, ce que vous voulez. Mais moi, je ne vise pas seulement les maghrébines, hein, les musulmans qui sont tombés là-dedans, tu vois. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'elles ont à offrir? C'est qu'en fait, elles sont dans une illusion systématique, une illusion à long terme, une illusion constante. L'illusion est la suivante. Elles pensent que, en offrant leurs atouts charnels, en s'exposant, elles vont être assujetties aux beaux compliments et au respect des autres. Non. Et c'est là où elles se trompent, largement. On ne peut pas respecter ce genre de femme. Quelqu'un qui dit qu'il respecte ce genre de femme est un menteur. Ou fou. Hein? Mais la vraie folie, hein? Parce qu'on est quelque part, nous sommes tous fous. Hein? Comme disait un penseur, c'est un bon signe, c'est une bonne santé mentale, le fait d'être malade et de ne pas être adapté à cette société malade. Donc, quelque part, quand je dis fou, c'est vraiment fou, le vrai fou. Donc, soit c'est un menteur, soit c'est un fou, celui qui dit qu'il respecte ce genre de femmes. Les femmes qui n'ont à donner que leur chair. Les femmes qui délaissent l'islam, les femmes qui délaissent les enseignements islamiques, les enseignements de la sunna, les femmes qui connaissent par cœur les biographies de toutes les chanteuses, qui connaissent par cœur les nombres d'abdominaux de tel footballeur, plus que les biographies des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que la biographie de tous les prophètes réunis, plus que certaines sourates et leur tafsir, leur exégèse, plus que beaucoup de hadiths. Elles ne sont omnubilées que par ça, elles ne suivent que ça. Leur parcours est centré que sur ça, à savoir quel est le je sais pas moi, le dernier couple en date, et ensuite on va fouiner là-dedans et on va vouloir avoir sa nouvelle coupe, etc. Et puis on va avoir son même legging, hein, vous savez, le legging, le pantalon qui est tellement moulant qu'on a l'impression que les femmes elles sont nues et qu'il y a de la peinture dessus. Donc elles sont conditionnées, elles sont lobotomisées. En fait, le but de leur but de la leur but le mire de leur vie. Hein? C'est ça. Elles sont-elles des insipides? Elles sont dans le néant, dans le nihilisme total, parce qu'elles courent derrière, si vous voulez, tout ce qui est superficiel. Et leur seule clé pour ouvrir la porte de la grande superficialité, c'est de donner et d'offrir leur chair. Et donc, pour revenir, ceux qui diront, mais je respecte ce genre de femme, je te respecte, et je t'aime, etc., c'est faux. Je parle bien sûr de ceux qui ont quand même un héritage culturel islamique. C'est faux. Est-ce qu'il voudrait que sa sœur fasse pareil? Est-ce qu'il voudrait que sa mère fasse pareil? Est-ce qu'il voudrait que sa fille fasse pareil? Si c'est une personne qui n'a ne fût-ce qu'un atome de dignité et d'honneur en lui, il ne pourra pas accepter cela. Donc pourquoi tu veux que les filles de ta communauté soient pareilles? Et attention! Je le redis, moi aussi je ne suis pas parfait. Je reste un homme avec mes faiblesses. Mais le plus important, c'est de se canaliser. Et le prophète sallam nous a donné nombre, multiples alternatives pour guérir de ce fléau-là. Et donc ces femmes qui n'ont à offrir à l'humanité que leurs atouts charnels, que leur corps, que leurs fesses, que leurs nichons, etc. Quelle est la finalité là-dedans? Quelle serait la finalité? L'homme te dirait « je t'aime ». Il te dirait, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Mais juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend derrière un buisson. Il te ramène à gauche, à droite. Il fait n'importe quoi. Il t'amène dans son lit. C'est pas de l'amour. Parce que les gens, malheureusement, ont une mauvaise définition de l'amour. Le pur amour, le vrai amour, c'est la mahabba fillah. C'est aimer pour Allah. C'est pas l'amour qui a été vendu, hein, qui a été vendu par les sociétés de transmission via Hollywood, hein, ces cercles de transmission audiovisuelle, à savoir les médias de masse, les films hollywoodiens qui nous ont vendus et qui nous ont fournis et qui nous ont transmis un faux amour. L'amour à la Leonardo DiCaprio, hein, la petite Kate Winslet qui trompe son mari et puis qui se fait, excusez-moi du terme, qui se fait sauter dans le bateau. Non, le vrai amour, c'est quoi? C'est la mahabba fillah. Et fait partie d'une des caractéristiques de la mahabba fillah de vouloir le bien de la personne qu'on aime pour Allah. Et c'est quoi vouloir le bien de la personne? Qu'est-ce que c'est que vouloir le bien d'une personne? Si moi, je veux le bien d'une personne car je l'aime, fil, qu'est-ce que je vais vouloir pour cette personne-là, islamiquement parlant? Son bien, c'est quoi? Son bien, c'est quoi? C'est que la finalité, c'est que, une fois que cette personne rendra l'âme, une fois que son âme sortira de son corps, une fois qu'elle elle accédera comme les milliards d'hommes dont nous ferons partie, Yom al-Qiyama, dans la file face à Allah Azawajal, Al-Hakim, l'exalté soit-il, qu'à ce moment-là, elle entre au paradis. C'est ça vouloir le bien d'une personne. C'est que cette personne aille au paradis. Donc tu la respectes et tu veux son bien. Donc tu feras en sorte de t'auto-refuser, tout attouchement, toute forme d'irrespect envers elle. Parce que si tu l'aimes, fille, tu l'aimes pour Allah, tu ne vas pas l'entraîner avec toi dans le haram. Parce que qui dit entraîner dans le haram dit péché, qui dit péché dit potentiel risque d'aller en enfer. Et c'est pas pour rentrer dans une optique un peu simpliste, haram, halal, paradis, enfer. Non, c'est pas vraiment pour rentrer dans ce délire-là, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Sinon, retirez nombreux versets du Coran qui font mention, bien sûr, du côté préventif d'Allah, hein, et aussi du côté punitif d'Allah Azawajal. C'est pas pour rien qu'Allah, à plusieurs moments, quand il dit qu'il est miséricordieux, juste après, il dit qu'il est dur en châtiment. Il ne faut pas négliger cela. L'islam, c'est la religion du juste milieu. Al-Wasitiya, tu ne prends pas ce qui t'arrange. Allah, certes, est miséricordieux, mais il aussi est aussi dur en châtiment. Et donc, si tu engraines cette personne dans le haram, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, finalement. Tu ne peux pas l'aimer. Après, il peut avoir des moments de faiblesse, malheureusement. Malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Tous les fils d'Adam font des erreurs. Les meilleurs sont ceux qui se repentent. Mais si c'est systématique, l'homme prend cette femme-là systématiquement dans son lit, dans le haram, ils ne sont pas mariés. Tu penses qu'il t'aime, hein? Et pareil, l'homme, tu penses que cette femme t'aime, elle veut ton bien. Faut arrêter de trouver cette excuse, à savoir, mais c'est difficile pour tout le monde. Je suis un homme comme tout le monde. On est tous pareils. C'est difficile pour tout le monde. Faut arrêter ce côté victimaire. Faut être débrouillard. Faut être fort mentalement. Ce côté, on nous a. Non, c'est fini. On nous a, kharas. C'était jadis. C'était du passé. Maintenant, c'est le présent. Agis. Sois fort. Une force mentale. Aussi bien physique, mais surtout mentale. Donc, toutes ces femmes-là qui se donnent corps et âme, qui se donnent au premier venu, qui n'ont aucun respect d'elles-mêmes, qui passent leur temps à fouiner des conneries superficielles, des choses qui ne servent strictement à rien. Le dernier album de un tel, et je vais aller voir un tel, et l'autre il est mignon, et l'autre je vais faire ci, et l'autre je vais faire ça. T'as vu sa coupe de cheveux? Vous leur mettez un documentaire sur l'histoire par exemple, elles vont faire attention aux coupes de cheveux des femmes, à la déco. L'histoire, elle s'en fout, le scénario. C'est pas de la misogynie ce que je dis, et c'est pas de la généralisation. Même si je généralise pour provoquer la réflexion, c'est une méthode célinienne, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est pour provoquer la réflexion. C'est pas la généralisation. Les gens doués d'une certaine intelligence comprendront où je vais en venir. Donc ces femmes-là, tu leur mets devant un documentaire, hein, n'importe quoi, de n'importe quel sujet, le scénario, quelque part, elles s'en foutront. Elles penseront qu'au truc superficiel, à la beauté. Pourquoi? Parce que je veux plaire à l'autre. Tu veux plaire à qui finalement? À cet homme-là. Mais cet homme-là, Yom al-Qiyama, cet homme pour qui tu as négligé Allah, cet homme pour qui tu as négligé la salat, cet homme pour qui tu as négligé les enseignements vestimentaires par rapport à la femme, cet homme-là, Yom al-Qiyama, tu crois qu'il va te... Tu crois vraiment, sincèrement, qu'il va te calculer? S'il pourrait jeter sa propre mère en enfer, il le ferait. Que dire de toi, qui a été un passe-temps dans sa vie? Que dire de toi? Et aussi l'entourage, hein, l'entourage. Pour reprendre une citation de Lao Tzu qui disait « Une femme entourée est une femme à problème. Les siècles ont passé, mais la raison est là. La raison est identique, elle est similaire. » C'est vrai, c'est la réalité. Il avait raison. La plupart des femmes qui ont un entourage de copines qui ne sont pas baignées dans l'islam, qui n'ont comme référence le dernier clip de Jennifer Lopez en vue, et les derniers abdominaux de tel acteur en vue, et le dernier truc, je sais pas, que des trucs de merde, hachakom, qui servent à rien. Une femme qui a cet entourage-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle est faible mentalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tu restes avec une partie de gens, tu deviens comme eux. Si tu es faible mentalement, tu les nies. Parce que les copines dans ce cercle vicieux n'existent pas. La notion d'amitié, elle n'est pas colossale. Ce n'est pas du ciment. Elle se brise comme rien. Le vent passe, le souffle passe et elle se brise. Pourquoi? Parce que c'est de la fausse amitié. C'est de l'amitié puérile. C'est de l'amitié qui ne sert à rien. C'est de l'amitié qui a comme soubassement les choses superficielles. et l'hypocrisie et la fourberie. Tu voudrais avoir la même robe que ta copine? Bien serrée, bien moulant, bien centrée. Avec, excuse-moi du terme, les seins qui ressortent à moitié. Pourquoi? Parce qu'elle a fait pareil. Donc tu veux t'habiller comme elle. Et ton autre copine, elle a acheté telle ou telle chose. Et elle sort avec telle personne. Alors tu veux faire pareil. Tu vas sortir avec plus beau, plus riche et avoir un habit vestimentaire encore plus cintré. La rivalité féminine. C'est la rivalité féminine. Je vais acheter ça parce que ma copine a acheté ça. Je vais me taper hacha comme tel mec parce que ma copine s'est tapé tel mec. Je vais me montrer devant mes copines. Mais toutes ces copines-là, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre de toi? Tout comme toi, normalement, tu devrais en avoir rien à foutre d'elles, hachakoum. Mais c'est exactement ça. Il y a des filles dont leur but dans leur vie, leur mire matinale, de la toute matinale jusqu'à la nuit, leur mire, leur but, leur finalité, c'est concurrencer leur copine. Alors qu'il y a l'hypocrisie, rien en elle. Chez elle, il n'y a que de l'hypocrisie, il n'y a rien d'autre. Tu es ma copine, je t'aime, nanana. Mais derrière son dos, ça parle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement islamique. Leur amitié n'est pas basée sur le Coran et la Sunna. Et quand il y en a une d'elles qui essaie de s'en sortir, le groupe de copines, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont l'attirer. Mais arrête de faire la musulmane. D'ailleurs, déjà, cette phrase, arrête de faire la musulmane, une phrase qui ne veut strictement rien dire. Bien sûr qu'elle est, où le problème? Elle est musulmane et elle essaie de s'en sortir. Elle était pécheresse et elle est elle a péché comme tout le monde. Elle essaie de s'en sortir. Donc, leur premier réflexe à ces filles-là, ces soi-disant copines, ça va être quoi? Arrête de faire la musulmane. Arrête. Viens avec nous. Quand ce sera l'heure de salat, salat marab par exemple. Mais viens. Tu vas fumer après. On va fumer le joint. En même temps, il y a Samir qui va venir, mashallah. Ah ouais, parce que vous avez... Hein, connaissez le fameux mashallah avec du haram juste à côté. Mashallah, t'as vu mes nichons, comment ils sont beaux. Mashallah, t'as vu comment il est beau celui-là. Astaghfirullah, mais c'est exactement le cas. Je reprends leurs propres termes que j'ai entendus, que j'ai vus, que j'ai analysés. Donc ces mêmes filles-là qui vont essayer d'engrainer leurs copines qui essaient, et dont celles-ci essaient de se mettre dans le droit chemin. Elles le font par jalousie, elles veulent pas. Elles veulent pas qu'une d'elles s'en sorte. Et donc si elles voient qu'elle est forte mentalement et que cette fille-là résiste à leur tentation et quand c'est l'heure de la, quand c'est l'appel à la prière, elle y va, elle pose pas de questions. Et c'est pas juste de la, une salate automatique, frivole, hein? Non, une salate sincère, dénuée d'automatisme frivole et superficiel. Une salate où tu embrasses le tasawuf, une salate où tu embrasses la sincérité. Une salate du terrain, du cœur, une salate en pleine transcendance. Elle est ni pour cela, elle ni pour faire pour répondre à l'appel de la prière, elle ni pour aller aider sa mère, elle ni pour aller s'instruire sur l'islam, s'imprégner, baigner dans la science islamique. Quand ce groupe de copines voit que leur ancienne copine agit de cette manière-là, c'est là que les vrais visages apparaissent. Exactement. C'est à ce moment-là que les vrais visages apparaissent. Tu veux tester une personne? Mets l'islam sur la table. Comme disait Omar ibn Khattab, pour connaître quelqu'un, voyage avec lui et des transactions financières avec. Mais le climat dans lequel, le contexte et le climat dans lequel Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agréa, dit cette parole, c'est un climat où tout le monde pratiquait. Tout le monde pratiquait. Maintenant, on arrive à un stade où c'est quasiment devenu anormal de pratiquer. Donc maintenant, on va même pas parler de transactions financières ou de voyages. On va seulement parler d'islam. Mets l'islam sur la table et vois les vrais visages. Vois ceux qui vont se détourner de toi, parler sur toi encore plus qu'ils le faisaient jadis, ou ceux qui vont essayer de te suivre. Donc la fille qui est en train d'écouter ça, et qui se prépare à aller au shisha bar, qui se prépare à faire ci ou à faire ça, pense à Allah. Allah était clair dans le Coran, dans le Saint-Coran. Je n'ai créé les djinns, les hommes, les humains, que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Pas pour aller faire bouger ses fesses dans les shisha bar. Pas pour aller voir Samir le mignon, le beau gosse ou je sais pas quoi. Pas pour se taper une queue, une file de une heure pour aller voir tel ou tel chanteur qui en a strictement rien à foutre en existence. Pas donner son corps à gauche à droite. Et la banalisation du haram, c'est l'un des plus grands fléaux que compte ce 20e et ce 21e siècle. La banalisation du haram. Malheureusement, on est dénué de structure étatique islamique, ce qui fait que maintenant, les gens sont tous à l'échelle individuelle et dans ce qu'on appelle dans l'ordre de l'introspection. Mais le problème, c'est que ça sature en ce moment. La banalisation du haram. Est-ce que vous vous rendez compte que le fait de coucher, le hukm, le statut, islamiquement parlant, comme Allah dans le Coran nous le fait comprendre clairement, et celui qui dirait le contraire avec sa philosophie à deux balles, c'est un négateur des versets, parce que ce sont des versets qui sont abrogeants, qui n'ont pas été abrogés, qui sont reconnus par l'unanimité des savants, concernant les 100 coups de fouet de la personne qui couche. Et ça concerne que la personne avant le mariage. 100 coups de fouet pour cet acte-là. Si la personne est prise, donc 4 témoins qui voient la pénétration comme le fil qui rentre dans l'aiguille, pas seulement la femme sur l'homme. Regardez la miséricorde d'Allah. Donc, c'est vraiment un cas qui est quasiment, c'est l'utopie, c'est impossible de voir ça comme le fil qui rentre dans l'aiguille. Et les 4 témoins qui doivent voir ça, ça doit être des mouahidines, des gens qui sont considérés comme être honnêtes. Donc, la plupart des gens dans l'histoire islamique qui ont reçu ces 100 coups de fouet pour cet acte ignoble, ce sont des gens qui sont venus d'eux-mêmes pour se purifier. Mais pourquoi je prends le cas du statut, le hukm, et je le balance ici? Pour vraiment faire comprendre l'importance de cet acte, 100 coups de fouet. Et là, je ne rentre pas dans le délire préventif et menaçant. Non. Mais à force de trop parler de tolérance, de trop parler de miséricorde, on oublie la punition. Et on oublie la sévérité aussi. C'est ça le juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la hikma, la sagesse, c'est être dur quand il le faut, comment il le faut, avec qui il le faut, et être doux quand il le faut, comment il le faut, avec qui il le faut. Les deux. Certaine sévérité, une certaine sagesse. La symbiose des deux donne la hikma. Et donc, la banalisation du haram, le fait de donner son corps, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais là, je parle essentiellement des femmes. Le fait de donner ton corps, est-ce que tu te rends compte? De coucher, d'écarter tes cuisses. Un organe génital inconnu qui t'est étranger, qui n'est pas ton mari, qui te pénètre. Est-ce que tu te rends compte de la gravité? Mais quand tu seras dans ta tombe, où seront tes copines? Celles qui t'ont influencé dans cette vie d'ici-bas? Celles qui te parlaient à longueur de journée de tel type, tel beau gosse qu'on doit se taper? Délaisse ce livre-là, viens, il y a un concert de tel chanteur de merde. Hein? Elles seront où ces filles? Quand tu seras dans ta tombe, enterrée. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Faut arrêter. Tu vas crever. Tu vas crever comme tout ton entourage va crever, comme je vais crever. Nous allons tous mourir. C'est exactement ce qui va se passer. Quelque part, j'ai l'impression que les gens, on leur a retiré une partie du cerveau. Est-ce que tu te rends compte que tu vas crever? Petite poussière, grande gueule que tu es, petite poussière, grande gueule que je suis, nous allons crever. Où seront tes copines sous terre? Où seront les types pour qui tu t'es dénudé? Hein? Les gens que tu as reniés, qui t'appellent à l'islam et que tu as reniés. Plus personne sera là. Combien de filles qui étaient là et qui basaient tout sur la beauté et le fait de donner leur corps sont mortes jeunes? À 20 ans, d'autres à 22 ans, 18 ans, 16 ans. C'est Allah qui a voulu, c'est le destin, point barre. Il faut arrêter de tomber dans ce truc, dans ce fantasme, à savoir je meurs que quand je suis vieux, que quand je suis vieille. Totalement faux. Même si tu conduis pas de voiture, tu peux marcher, avoir une crise cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Allah, c'est son décret, point barre. Où elles seront où? C'est pour ça que l'appel que je fais, qui est un modeste rappel, à la va-vite. J'ai pas ramené beaucoup d'arguments de dalil fil Qur'an, sunna, je parle un peu avec ma tête vite fait, parce que de nombreux savants ont étalé encore arguments sur ça. Mais le seul truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a plus le temps. Vous avez plus le temps. Arrêtez de courir derrière les dernières marques. Arrêtez de courir derrière le sexe. Arrêtez d'offrir. Arrêtez de montrer votre corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme qui s'exhibe, elle perd des hasanats à chaque fois qu'un homme la regarde. L'homme aussi, mais elle en perd aussi sur son compte. Tu sors de chez toi juste aller à la boulangerie, tu mets ton legging là, ton truc, t'es nu et t'es peint. Toutes les personnes, tous les regards qui seront vers toi, c'est des hasanats en moins. Des hasanats en moins. Là, on ne parle pas de jeux ou de trucs sur iPhone, là, de Tetris, j'ai gagné 10 points. Non. Non, Lis le Coran et regarde la réaction des gens quand ils seront face à leur balance. Allah le dit. Kalam Allah est clair. Le Coran est clair dessus. Et ceux qui contestent l'islam parmi les non-musulmans, les plus cultivés parmi eux, ont soit minimum, dit du bien sur le prophète, maximum se sont convertis. L'islam, la religion de veritas. Le Coran est clair sur ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Plaire à tous les types? Passer, excusez-moi du terme, de zigonette en zigonette? C'est ça. Faut applaudir. C'est ça le projet. C'est quand que tu vas te réveiller? Les copines qui te servent à rien, tu les nies. Tes soi-disant copines, c'est de la rivalité, c'est de la fourberie, c'est de l'hypocrisie. Ignominieuses qu'elles sont, inutiles qu'elles sont. Pour Allah Zawajal, tu fais des risques, tu fais des sacrifices, tu fais des choix pour Allah. Pourquoi tu le fais pour une de tes copines? Pourquoi tu le fais pour tel type? Pourquoi tu le fais pour tel intérêt mondain, tel intérêt de cette vie d'ici-bas? L'hypocrisie est autour de nous. Celui qui ne le voit pas est un aveugle. Il est borgne, il est sous terre. Il fait la politique de l'autruche. L'hypocrisie est autour de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a qualifiés comme étant al-khuraba, les étrangers. Nous serons considérés comme des étrangers, comme des voyageurs par rapport aux yeux des autres. Ibn Qayyim a dit, cette vie, pour le croyant, est une prison. Pour le non-musulman, pour le mécréant, est un paradis. Tu veux t'allier avec eux? Tu veux passer ton temps à rentrer dans l'insouciance? À montrer tes fesses, à gauche et à droite, à longueur de journée, du matin jusqu'au soir? À appliquer le sexe telle une bête? Certains diront que je suis un aplomb de la critique. Mais si certaines personnes ne savaient pas se différencier de la bête sauvage, ma critique n'existerait pas. Arrêtez de vous comporter comme des animaux. Même les animaux ont de la dignité. Même certains porcs ne dorment pas dans la boue. Dors à côté. Ils dorment à côté de leur boue. Vous, vous êtes dedans. Dans le lit, rempli de haram. C'est pas une question. Je suis pas en train de rabaisser. C'est pas une question de jugement. Je ne suis pas mieux. Mais il faut se réveiller. La religion est le conseil. Et tant que ces femmes-là, parce que la femme est maîtresse de la nation. Hein? La femme est la maîtresse de la nation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait beaucoup d'importance aux femmes. Le meilleur des hommes est celui qui se comporte le mieux avec les femmes. Elles nous ont porté 9 mois. Vous êtes les mères de demain. Et cette mentalité à savoir, c'était mieux avant, nos mères étaient mieux avant, c'est une certitude, certes. Mais les contextes politiques et sociologiques de l'époque étaient différents. Et si on reste là-dedans, on tombe dans le défaitisme. Certes, c'était mieux avant, mais fais en sorte que toi, maintenant, ça va être encore 10 fois mieux maintenant qu'avant. Prends-toi en main. Applique ton djihad. Nefs, résiste. Sois résistante. Parce que tous ces hommes-là, qui veulent juste ton corps, juste ta chair, juste goûter, juste pénétrer, juste explorer, te respectent autant qui respecte une chaussette qu'il trouve dans une rue pluvieuse de Brooklyn. Ah, une chaussette. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'en ai rien à foutre. Je continue à marcher. C'est comme ça qu'il te voit. Et donc il dira des mots. T'es mignonne. Non, Masha'Allah. Le fameux Masha'Allah hein, qu'on utilise à longueur de journée. Masha'Allah. T'es mignonne. Hein, franchement, je vais faire ma vie avec toi. Mais arrête de m'étonner. T'aimerais que ta soeur fasse pareil? Non, fais pas pareil avec cette fille-là. Parce que quelque part, c'est aussi ta soeur filée. Donc vous les femmes, celles qui s'offrent à gauche à droite et qui sont en train d'écouter cet audio-là, préservez, il n'y a rien de difficile, tu te préserves, point barre. Tu n'écartes plus tes cuisses, tu n'ouvres aucune porte. Certes, nous sommes tous faibles, mais un minimum. Il y a tellement une banalisation du haram que ça en rend fou. Des fois, je me dis comment ça se fait que je termine pas en asile. Comme Bronson avec la moustache à danser sur du Johnny Walker. Parce que quelque part, c'est exagéré. Elles montrent leurs fesses à longueur de journée. Tu marches, tu vas là à la mosquée, tu vois 4 paires de fesses devant toi. Mais c'est quoi le projet? C'est quoi? Tu veux ouvrir une société de quoi? D'astronomie? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut se réveiller. Je suis personne, nous sommes personne, mais nous allons, tôt ou tard, crever, et le même jour, le jour identique, tous se présenter pour rendre nos comptes devant notre Créateur. Al-Aziz, Al-Hakim, le roi, Al-Malik, le roi de l'univers, le Créateur. Nous allons présenter nos comptes devant lui. Donc, tu dois faire des choix pour Allah. Tes copines qui t'engrènent que dans le haram, tu les nies. Le vestimentaire, certes, n'est pas la chose qui fait la musulmane, mais il en contribue. Ça y contribue. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, il fait le moine. L'habit n'aide pas à être guerrier, mais il aide. Quelque part, tu ne vas pas aller au front en latex ou en slip kangourou. Hein? Tu dois être un peu équipé. Tu ne vas pas rentrer en mosquée, hachek, en string. Donc, quelque part, le vestimentaire joue. Mais ton cœur, purifie-le. Embrasse le tasawuf. Embrasse la science. Embrasse la sincérité, la véracité. Renseigne-toi sur l'islam. Renseigne-toi sur toute chose qui touche à l'islam. Et tu verras, plus tu en apprendras sur Allah, plus tu en apprendras sur les prophètes, plus tu aimeras vraiment cette religion. Pas d'une manière automatique. Tu l'aimeras vraiment. Et là, le foulard, il suivra. Comme le proverbe berbère le dit. L'arbre suit sa racine. Si la racine est boiteuse, je vous laisse imaginer l'état de l'arbre. Va à la racine, va chercher le tawhid lillah, l'unicité envers Allah. Apprends l'arabe, les sciences, lis, instruis-toi. Il faut que tu éprouves du plaisir. L'alternative que tu dois y trouver, c'est le plaisir. Tu dois avoir du plaisir, pas lire pour te punir, pour t'auto-flageller. Non, c'est pas une sentence. Tu es en train de t'instruire pour Allah, Zawajal. C'est pas une sentence du tout. Le plaisir que tu as eu jadis en montrant ton cul, excuse-moi du terme. Le plaisir que tu as eu jadis en allant à gauche à droite et en écartant tes cuisses. Le plaisir que tu as eu jadis en perdant des heures à écouter des futilités qui ne servent à rien. Clash entre tel, sexe tape de tel ou tel. Toutes ces heures perdues. Eh ben ce plaisir que tu avais dans cette merde, dans ces merdes qui ne servent à rien, trouve-le dans l'islam. Et le reste suivra. Le vestimentaire suivra. Car l'homme qui va vouloir ton bien est l'homme qui va te conseiller. L'homme qui va vouloir ton bien est celui qui va vouloir le même pour toi, pour ce qu'il veut pour sa mère, pour sa sœur. Il veut ton bien, mets-toi dans l'islam. Je te passe les outils. Seul Allah guide, je suis personne. Tiens les outils, il te dira ça. Et nous sommes tous des prédateurs. Tous. Celui qui dit le contraire parmi les hommes ment. Bon, certains scandalisent plus que d'autres. Donc, à partir du moment où tu sais que nous sommes prédateurs, même si certains sont plus forts ou plus faibles, il y a cette notion de prédateur en nous. Préserve-toi. On est des serpents. Et certains résistent. Les résistants. On parle souvent de résistance, 40-44. Non, il y a les résistants de la tentation. Tu résistes. Donc, mets-toi ça en tête. La vie, elle est courte. Et les gens, à force d'être dans une société trop rationnelle, des fois, t'as l'impression qu'ils n'y croient pas. Ils ont vraiment l'impression qu'ils ne vont jamais mourir. Mais Allah, il en parle dans le Coran. Il en parle. Quand il dit que certains se sentent immortels. Tu n'es pas immortel. Comme disait un Hajj Funky au quartier. Il prenait une fourchette et il disait, regardez-la. Vous voyez comment elle est? Elle est innocente, elle est petite cette fourchette. Je vous la mets dans la gorge, vous crevez. Je vous l'enfonce dans la gorge, vous mourrez tout de suite. Tellement que nous sommes faibles, nous et notre grande gueule, on va mourir. Préparez-vous. J'ai coutume de dire, que l'homme le plus intelligent, c'est celui qui prépare, durant sa vie, les réponses aux trois questions posées durant sa mort. C'est ça l'intelligence. Donc, la sœur qui écoute cet audio-là, plonge-toi dans la science. Prends le Coran poussiéreux. Dépoussière-le, lis-le, prends l'exégèse, essaie de lire les biographies des femmes du prophète, Khadija, Myriam la Copte, hein? Essaie de t'instruire, la civilisation islamique, le rôle des femmes, lis Sourate An-Nisa, mets-la avant de dormir, ni trop fort ni trop doucement. Tu ne comprends pas l'arabe, télécharge la version avec la traduction là, de Youssouf Leclerc. Quand il y a un verset en arabe et un verset en français, et tu le mets moyen, et tu t'endors avec. Puis tu vas acheter des livres sur le tawhid. Tu gaspilles bien 100€, 200€ pour des Gucci, des Kharad, je sais pas quoi. Tu peux quand même bien gaspiller un petit 15€ pour un bon petit livre. instruis-toi. Au début, t'aimes pas lire? Ok, il y a tout le temps des alternatives. Regarde des vidéos. Mais wallahi, que c'est devenu abusé. Donc, faut faire en sorte de changer tout ça. Et si le peuple musulman ne change pas, comment vous voulez que l'État suive? On a coutume à dire, oui, mais un tel veut changer le monde, mais tu peux pas changer le monde. C'est vrai. Mais une image qui illustre bien ça. Et l'image est la suivante. Il y a quelqu'un, donc il est dessiné un homme face à une foule de personnes, et il est en position, en posture, vous savez, des maîtres d'orchestre, là, quand il bouge avec des baguettes. Et toute la foule qui est devant lui répète tous la même phrase. À moi tout seul, je peux rien faire. Et le mec, il est là. Il orchestre tout ça. Le maître de maison. Eh bien, c'est exactement ça. À force de se répéter tout seul, je peux rien faire, vous n'allez rien faire. Si toi, tu changes, tu te mets dans l'islam, tu apportes des alternatives. Via ton comportement, tu fais da'wa à tes voisins, non musulmans. Tu ramènes une nouvelle hygiène de vie à la maison. Et tes frères et tes sœurs et tes amis suivront. Et les lâches te fuiront. Si toi, tu fais ça, et l'autre fait ça, et l'autre fait ça, et ta copine et ta voisine, etc., il y aura un changement. Et comme les hommes sont de nature faible aussi, sexuellement parlant, il y en a beaucoup qui sont dans le din, mais qu'une fois qu'une femme leur tourne un peu la tête, ah, ils abandonnent tout. Eh bien, si vous êtes cette barrière, ce bouclier féminin, les hommes faibles, je parle des hommes faibles, n'auront plus d'excuses. Et ils se diront, elles sont plus accessibles. Ils se préserveront dans la religion. Ça serait une cause, une bonne cause. Et au final, si le peuple musulman revient aux racines de l'islam, l'État suivra. On a coutume à se plaindre, à jouer dans le victime. C'est normal. Regarde ton état. Regarde ton état. Notre état. Donc la sœur qui écoute cet audio, je vais finir en disant ça. Wallahi, je le répète encore, Wallahi, Allah il est témoin que je dis pas ça genre je suis mieux. Non, je dis ça parce que sincèrement, Wallahi, que c'est devenu abusé. C'est abusé. Il n'y a plus de limite. La banalisation du haram est abusée. Contribue à Allah, pas pour ton père, pas pour ton futur mari ou ton mari, pas pour ton frère, pour Allah, contribue à mettre une pierre sur l'édifice qui sera le renouvellement islamique, la renaissance islamique pour reprendre le terme de Malik Ben Abi. Tu es la mère de demain. Est-ce que tu entends ça? Tu es la mère de demain. Alors avant de mourir, avant de quitter ce monde, adore Allah. Et éduque tes enfants dans cette lignée-là, dans cette voie-là. Salam.